listening to Overdrive on Radio Dio. And it's a song called Paranoid. Bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Ce Back to the Beginning qui a eu lieu au stade Aston Villa de Birmingham le 5 juillet dernier. Et il s'agissait ici de la toute dernière prestation de Black Sabbath, du Black Sabbath originel. Tout le monde maintenant le sait. Partout autour du globe, Ozzy n'est plus, Ozzy a disparu et il laisse derrière lui un héritage tout simplement colossal. L'effet de sa mort a eu à peu près le même impact que celui du décès d'Elisabeth II. ou alors peut-être de Jean-Paul II, voilà. Donc c'est des choses qui se transcendent un petit peu les générations, qui transcendent également les styles. Il y a même donc Buckingham Palace, la garde royale du roi Charles III, qui a interprété ce Paranoid avec la fanfare donc royale britannique. C'est quelque chose d'absolument absolument fou. Je pense que lorsqu'il a débuté sa carrière, ce bon vieux Obzi, il n'aurait tout simplement jamais imaginé en arriver là. Donc ce soir, émission tout simplement spéciale Ozzy et par ailleurs spéciale Black Sabbath. Donc il n'y aura pas de morceau de Ronnie James Dio ce soir. On va tout de même débuter avec une rétrospective de la carrière de Black Sabbath, rétrospective qui se voudra temporelle. On a décidé de diffuser un morceau de chaque album en commençant par le début. Donc on revient au début, back to the beginning, on fait comme ça. Et ce soir, j'ai la chance d'avoir Laurent. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je t'entends très bien, Martin. Eh bien, écoute, on t'entend très bien également. Et donc voilà, comment est-ce que tu as appris un petit peu la nouvelle ? Eh ben, c'est toi qui me l'as envoyé, le message. Hein. J'étais au boulot et puis Ozzy est décédé. Ben, mince alors. Est-ce que tu as arrêté ce que tu étais en train de faire pour ça? J'étais en train de partir en fait. En tout cas, bien sûr, on avait tous en tête que ça allait arriver bientôt. Mais quand même, si peu de temps après son dernier concert, ça a pris un peu tout le monde de court. Surtout que tout le monde du côté de Birmingham, notamment, était à fond dans une Black Sabbath mania. Il y a eu, bien sûr, ce concert événement qui a rassemblé beaucoup, beaucoup de monde, qui a été diffusé en streaming et qui a généré énormément de profits pour des œuvres caritatives. Donc la ville de Birmingham s'était mise aux couleurs de Black Sabbath, avec des expositions dans la ville, également des murals, et puis le pont Black Sabbath qui a été décoré pour l'occasion, et sur lequel de nombreux participants au Back to the Beginning sont venus se prendre en photo. Mais voilà, on était encore un peu dans cette euphorie-là, et on a eu la triste nouvelle, et je pense que tout le monde a ensuite réagi à l'émotion suite à cet événement qui vient 17 jours après son dernier concert. Et quand on regarde un petit peu le détail de l'événement, il s'agit tout simplement de 17 jours comme Lemmy qui est parti en 2015 et qui est parti 17 jours exactement après son dernier concert. Donc voilà, un concert et puis une carrière absolument phénoménale. Et on va revenir tout de suite. Alors on va pour éviter de trop de couper le rythme de la musique, on a décidé d'enchaîner un petit peu les titres suivant un peu les différentes parties de carrière de Ozzy en solo et de Black Sabbath, parce qu'on va couvrir les deux. Et voilà, donc on va enchaîner, si tu veux bien, Black Sabbath. Alors moi j'étais pour passer du studio, pas du live. Néanmoins, c'est vrai que cet album live Reunion, il convient bien à l'ambiance de ce soir, puisqu'il s'agit d'un live avec quand même Bill Ward, qui n'avait plus joué dans le groupe depuis le début des années 2000, qui est revenu exprès pour Back to the Beginning, qui a fait ce qu'il a pu au niveau de la batterie. Néanmoins, avoir le son du groupe originel, c'était là un grand moment, tout simplement. Oui, et puis moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est un petit peu tout ce qui était autour de ce concert. Je crois que Ozzy a dit aux membres et tout, stay on this fucking stage. Il voulait vraiment pas partir, il voulait rester, profiter du moment. Ouais, il a été finalement à fond jusqu'au bout. Ah oui, mais je pense que de toute façon, Tony Iommi l'a dit, il l'a tenu pour le concert, quoi. Et une fois que c'était fini, il avait plus de raison de rester. Oui, mais bon, quand on voit la vie d'Ozzy Osbourne, finalement, vit jusqu'à 76 ans. 76 ans. C'est presque miraculeux. Hein, c'est presque miraculeux, étant donné... J'ai regardé, il y a pas mal de choses qui traînent un petit peu sur tous ces réseaux, notamment des extraits de... Bon, on en reparlera un peu plus tard, parce qu'on va reparler, bien entendu, de sa carrière et de sa vie, de la série Vie Osbourne, mais qui a été tournée au début des années 2000, donc il y a quasiment 25 ans maintenant. Et à l'époque, on donnait peu cher de la peau de ce monsieur Michael John Osborne. Voilà, Black to the Beginning, on va débuter là par la vie de ce Michael John Osborne, né et qui a grandi dans le quartier de Aston, un quartier très populaire de Birmingham, connu bien sûr pour le club de foot Aston Villa. D'ailleurs là, dans le stade où a eu lieu le concert Back to the Beginning. Et ce petit Ozzy Osbourne qui était bègue à l'époque et qui disait, quand il donnait son nom, il disait Oz, et c'est pour ça que c'est resté Ozzy Osbourne. Et voilà, quelqu'un comme ça qui a eu une carrière en or, mais qui, je pense, ses parents ne se seraient jamais doutés qu'il en arrive là où il était, venant d'un milieu aussi populaire. Son père lui avait dit, de toute façon, tu vas finir en tôle. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il a eu une petite passage en centre pénitentiaire lorsqu'il avait un centre pénitentiaire juvénile, lorsqu'il avait 15-16 ans environ. Et c'est là qu'il a eu son tatouage Ozzy au niveau des doigts, je crois. Je sais bien, je crois. Alors, j'ai jamais lu sa biographie, mais je crois que la période va se prêter à ce que je la lise. Parce qu'à ce qui paraît, elle est vraiment truculente et il y a beaucoup de passages qui sont super marrants. Sont-ils tous vrais ? Je sais pas. Alors, avant qu'il la sorte, il disait qu'il voulait pas faire de biographie parce qu'il se souvenait pas de tout. Peut-être qu'il a été aidé de certaines personnes qui étaient présentes sur ce... Et qui ont inventé l'histoire. Et qui ont inventé, je sais pas, mais en tout cas, le connaissant, à mon avis, il y avait quand même de quoi faire sans avoir inventé quoi que ce soit. Une seule chose est sûre, c'est le 20 janvier 82. Exactement, 20 janvier 82. Deux événements. Sortie de Number of the Beast. Non, le 20 janvier 82, deux événements. Ozzy Osbourne qui arrache la tête de la chauve-souris oui. En plein concert. Oui. Et ma naissance. Et Number of the Beast ? Non, et ma naissance. Et Number of the Beast ? Non, c'est pas le 20 janvier 82. C'est quand ? Ah, je sais pas, c'est un peu plus tard. Hein. Ah, je pensais que c'était le même jour. Non, non, non, t'imagines, hein, si je suis né le même jour que Number of the Beast et Cozy qui décapite une chauve-souris avec les dents, ça serait un peu trop quand même. Ah bah allez, c'est parti tout de suite, Black Sabbath avec ce morceau sur la scène de la NBC de Birmingham, la grande salle des expositions. Ce sera suivi d'un titre de Paranoid, deuxième album du groupe. We'll be right back.

oublie que la fin est assez particulière. Oui, mais je crois que nous avons mis la version vinyle et que du coup, ça s'est déréglé. Ouais. En tout cas, déjà en 1970, un grand moment de métal, tout simplement, avec un titre phare sur un des albums sur lequel on n'a pas vraiment de titre faible. On en parlait une autre fois en voiture, hein, en revenant du concert de Run For Your Lives de Paris. On essayait de trouver des albums justement sur lesquels on avait zéro bouche-trou, d'une certaine façon. Et c'est quand même pas facile à trouver, puisque même si on a quand même des albums qui sont magnifiques et qu'on adore, il y a peut-être toujours un titre qui est peut-être un peu en dessous, il faut bien l'avouer. Et sur ce Paranoid, là, on n'a que, des morceaux qui pourraient être... Que des classiques. Que des morceaux que le groupe pourrait jouer actuellement, ou joue même actuellement, sur scène, ou jouait plutôt actuellement, enfin oui. Récemment en tout cas. Et sans faire pâle figure, en fait. Sans qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils nous ressortent, là, les fonds de tiroir? En tout cas, ouais. Ouais. Et on se disait sur Back to the Beginning que tous les titres avaient été joués. Hein. C'est vrai. En tout cas, pas par le groupe lui-même, mais par les groupes invités. Donc, de mémoire, Pantera a fait Planet Caravan. Electric Funeral a été joué deux fois. Electric Funeral a été joué par... il a été joué par Rival Sons en début de journée et par Pantera, il me semble. Je peux me tromper. End of Doom, Tool, ça c'est sûr. Oui. Iron Man, je sais plus. Paranoid et War Pigs, je sais plus. Ferris Werboots et certainement Rat Salad, je sais pas. Slayer a choisi un titre. Assez différent de leur répertoire, parce qu'on aurait pu penser qu'ils allaient prendre un truc vachement heavy comme Symptom of the Universe, et en fait ils sont partis vers un truc un peu plus bluesy sur le tout premier album, qui était la transition un petit peu bluesy pour Black Sabbath, avec, je ne me souviens plus du nom du titre qu'ils ont fait, un titre du premier album, et c'était un petit peu spécial de voir Kerry King faire des riffs un peu bluesy, le père Araya essayait de chanter un peu différemment. En tout cas, c'était très sympa à voir. Ouais, est-ce que toi, tu avais suivi, je crois, l'événement en L'événement, direct ouais. Alors, en direct, pas exactement, en tout cas, dans le week-end, oui. Dans le week-end en entier, ouais. Ensuite, là, on a décidé de diffuser non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre albums de suite. Qui seront pour moi, en tout cas, si vous voulez savoir ce qu'est Black Sabbath, et que vous avez quatre albums, ce seront peut-être ces quatre albums-là. Donc, c'est-à-dire Master of Reality, Volume 4, Sabbath, Bloody Sabbath et Sabotage. Si on peut aller jusqu'à 5, il faut mettre Paranoid. Mais en tout cas, vous prendrez ces 5-là et je pense que vous pouvez vous faire plaisir un moment, parce que là, Ils sont indispensables et c'est que du très très bon. Et on retrouve plein de choses, on va dire, un petit peu différentes et des morceaux qui sortent du lot. Il faut se rappeler que, on va dire, les formules et que le son, on va dire, métal et on va dire les recettes un petit peu des disques de métal de nos jours n'existaient pas à l'époque. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'était tout le temps du déchiffrage, en fait. Hein. Ils exploraient des territoires un petit peu nouveaux et surtout, ils n'hésitaient pas à faire des choses qui sortent un petit peu du lot. Donc, on avait bien sûr des titres super heavy comme Into the Void qu'on va passer, Snowblind, Sabbath, Bloody Sabbath également et Symptom of the Universe qui sera peut-être un proto-trash. Hein, oui. Avec Planet Caravan qu'on entend en fond aussi. Planet Caravan qu'on entend en fond qui, de l'aveu même de ce bon vieux Phil Anselmo, et c'était un de ses morceaux préférés. Pantera l'avait repris sur l'album Far Beyond Driven en 95 et on avait fait une très très bonne reprise à l'époque. Donc là, sur Master of Reality, on aura ce bon vieux Into the Void, Snowblind sur le volume 4, là aussi un album fantastique, Bloody Sabbath avec ce morceau titre, n'écoutez pas la version de Guns N' Roses, s'il vous plaît. Et pour terminer, sur Sabotage, ce sera Symptom of the Universe, un petit peu l'inventeur du trash, parce qu'on a les riffs en allées simples, tels que les fronts, les James Hetfield et compagnie, à une vitesse, bien sûr, à la vitesse de la lumière, 10 ans plus tard. En tout cas, Sabbath trouve son son à partir de maintenant il commence à se sous-accorder, donc il passe au do dièse, ce qui aide un petit peu Tony Iommi, pour qui il manque des phalanges, d'avoir des cordes un peu plus souples, tout simplement. Et ça vient aussi donner le son métal, hein, puisque de nos jours, maintenant, les groupes jouent de plus en plus bas. C'est pas rare maintenant de trouver des groupes à 8 cordes qui sont quasiment une octave en dessous de l'accordage standard de la guitare. Donc Into the Void par un riff tout simplement que je vais nommer pachydermique. Hein, le début est absolument phare, et Anthrax en a fait une excellente version sur le Back to the Beginning. Into the Void par Black Sabbath, bien sûr. We'll be right back.

We'll be right back. Yes, quatre morceaux cultes de Black Sabbath avec Into the Void, Snowblind, Black Sabbath, Bloody Sabbath et The Symptom of the Universe qui posent pour moi les bases du son thrash metal dans l'attaque des guitares qui seront bien sûr magnifié ensuite par les groupes des années 80 et notamment le Big Four. On continue et on va maintenant terminer sur la première partie de carrière de Black Sabbath avec Ozzy, avec deux albums qui ne sont pas les plus connus mais sur lesquels on a quand même de bons morceaux, Technical Ecstasy et Never Say Die. Alors je ne sais pas si tu les connais bien ces albums là Laurent. Je ne les connais pas bien, mais ce que j'ai envie de te dire c'est que tu parlais justement d'un côté plus trash, plus violent, et on se bat quand même de plus en plus pour savoir quel morceau choisir, parce que la discographie est quand même très très riche et on a quand même des albums de très très bonne qualité. Ouais. Mais je crois la qualité va baisser. Je n'arrive même plus à savoir les titres qu'on a choisis. Tu vois, tu m'enlèves ta petite cette liste là sur laquelle tu écris au fur et à mesure, je suis incapable de dire mais on a choisi quel titre déjà. Tellement quand je prends les prochains albums, je dis mais laquelle prendre. Et on est en train de chercher des titres pour Ozzy, si vous voulez nous appeler pour nous donner des idées, les titres que vous voulez entendre. Mais en tout cas, on devrait avoir de l'excellente musique encore ce soir, donc restez bien. Oui, nos shows oui. Mais derrière. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Ozzy, mais là, on discutait en off. Il y a quand même Iommi et puis Geezer Butler. Iommi, le maître du riff, bien sûr, et Geezer Butler qu'il faut pas oublier parce qu'il c'est un bassiste phénoménal. Encore maintenant, il l'a prouvé encore une fois, Back to the Beginning, un son bien à lui, rond et lourd. À la fois, il faut essayer de dire que c'est le parolier du groupe, puisque Ozzy n'a jamais vraiment écrit de paroles, ça, de toute sa carrière. Il a toujours demandé à ses bassistes de le faire, notamment, bien entendu, Geezer Butler dans Black Sabbath. Et au début de la carrière de Ozzy Osbourne, ce sera le bassiste Bob Daisley qui s'y collera. Oui, je crois d'ailleurs que c'est Geezer Butler qui a choisi le nom Black Sabbath. Il me semble, oui, puisque ça venait d'un film des années 60. 50-60, vieux film d'horreur, peut-être même en noir et blanc, qui s'appelait Black Sabbath. Oui, et d'ailleurs, c'est, je crois qu'il le dit sur le Live Reunion. Possible, oui. En introduction du titre Black Sabbath. Hey, what do you call Black Sabbath? Et puis, sorry, this is a call called Black Sabbath. Et puis, le titre commence. On aurait pu passer également ce passage-là, finalement. En plus de, parce qu'on a passé en plus de tout le reste. Mais parce qu'on a passé le titre live de Black Sabbath. Oui. Et c'est vrai qu'on aurait pu passer ce petit morceau, ce petit passage d'introduction qui doit être terminé en fait sur la piste d'après. Sur la piste d'avant. Précédente, ouais, ouais. Exactement. Donc, extrait de l'album Technical Ecstasy, paru en 76. Donc là, Alors, rappelle-moi ce qu'on a choisi et ce qu'on aurait pu choisir. On retrouve sur cet album quelques bons titres, Black Street Kid, Dirty Women, que le groupe a encore joué. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait sur la dernière décennie, mais en tout cas, sur le Live Reunion, il me semble qu'il était présent. Ou alors Rock'n'Roll Doctor. Mais c'est la ballade que j'ai choisi de passer sur cet album-là, qui a été reprise par Guns N' Roses. Écoutez la version du Live Era de Guns N' Roses, elle est vraiment superbe. N'écoutez pas la version Back to the Beginning parce qu'elle est vraiment, vraiment pas bonne, tout simplement. Elle est superbement massacrée. Ouais, pour pas dire autre chose, ouais. Et non, c'est un très bon morceau. Très bon morceau. Là, en ce moment, c'est plutôt les ballades de Sabbath qui ont le vent en poupe. On pense également sur volume 4 au morceau Changes avec le jeune chanteur Youngblood qui l'a magnifiquement bien interprété sur la scène du Back to the Beginning et qui fait maintenant beaucoup parler de lui avec cette chanson. D'ailleurs, c'est un ami de la famille Osbourne, ce Youngblood. Et le père Ozzy lui a donné la croix qu'il avait autour du cou depuis toute sa carrière. Il l'a donnée à ce jeune chanteur, en signe un petit peu de passation. Oui, après, en parlant de passation, on a beaucoup parlé du son de Iommi, Geezer Butler, et on a parlé de la voix si particulière d'Ozzy Osbourne, et on n'a pas un chanteur qui s'en rapproche, ne serait-ce qu'au niveau du timbre, ou même dans la façon de chanter, les intonations, le côté malsain. Alors bien sûr qu'on trouve dans le métal des chanteurs qui ont des voix malsaines et tout, mais pas aussi détraqués qu'Ozzy Osbourne. Ouais, en tout cas, qu'ils n'ont pas son timbre, tout simplement. On retrouve des clones de Dickinson, d'Alford, peut-être même de Dio. Oui. Mais des clones d'Ozzy qui sonnent comme Ozzy, c'est vrai que j'ai beau réfléchir un petit peu, j'ai du mal à en trouver. Quelqu'un qui se réclame d'Ozzy, bien entendu, c'est Zakk Wylde. Et dans certaines intonations, on sent qu'il a l'influence d'Ozzy, même s'il n'a pas Oui. Il n'a pas la même voix que lui, mais il a l'influence d'Ozzy. De toute façon, Zakk Wylde, il a été biberonné Il a été biberonné à Black Sabbath et à Ozzy, lui, ça fait aucun doute. On commence tout de suite par It's All Right, enchaîné avec le morceau titre de Never Say Die, et ça clôturera la période de Ozzy Osbourne dans Black Sabbath, première période. Where to go in and where? Yes, Black Sabbath avec ce Never Say Die, extrait de l'album du même nom sorti en 78. Voilà pour la première partie de carrière de Black Sabbath avec bien entendu Ozzy Osbourne au chant. Ensuite, gros tournant, le chanteur se fait limoger suite à une consommation excessive d'alcool et de drogue, etc. Et il était tout simplement un petit peu difficile à gérer à l'époque. Je crois que les gars de Motley Crue n'arrivaient pas à le suivre. Hein. Ouais. En tout cas, c'était la rumeur qui existait à l'époque. C'était les gars de Motley Crue qui l'avaient dit. Hein. Et ensuite, bien entendu, la période où il rencontre sa femme, sa deuxième épouse, Sharon Osbourne, qui était la fille de son manager, qui était, à l'époque, elle en parlait, habitué à voir les artistes que manageait son papa, qui étaient souvent des artistes un peu propres sur eux, américains, etc. Et quand elle voyait débarquer Ozzy Osbourne et Black Sabbath, elle prenait peur. Voilà ce qu'elle a raconté un petit peu en interview. Et en tout cas, elle commence à se rapprocher un petit peu de Ozzy Osbourne et devient ici sa manageuse. Elle va ensuite le remodeler un petit peu à sa façon et elle va en faire un peu un artiste américain puisque bon, bien sûr le Sabbath de première période c'est un groupe foncièrement anglais. Néanmoins Ozzy Osbourne solo pour moi c'est un groupe américain puisque outre Ozzy Osbourne tous les musiciens qui ont fait partie du groupe n'étaient pas des anglais mais plutôt des américains. Quelques exceptions prêtes, bien entendu. On retrouvait Tommy Eldridge, on retrouvait bien entendu le guitariste Randy Rhoads, Randy Castillo, Mike Inez, etc. Le guitariste ensuite Gus G, Zakk Wylde, bien entendu, et etc. Don Airey, bien entendu, était un anglais. Bon, il y en a quand même une majorité de sons et de musiciens américains qui ont participé au projet. Et néanmoins, il accouche là quand même d'un sacré retour de force, hein, puisqu'il sort d'un Sabbath qui était quand même sur la pente descendante, et il sort là un album, comme on en parlait un peu plus tôt, un album sur lequel on n'a rien acheté. Et sur lequel on s'est quand même beaucoup disputé pour savoir quel titre on allait passer. Et exactement, donc c'est la preuve qu'on a là un grand disque, hein. Blizzard of Oz, paru en 1980 ou 81, 80 il me semble. On retrouve que des classiques tout simplement, ou peut-être 81, puisque le suivant est de 82. Et puis découverte du jeune prodige de la guitare, Randy Rhoads, avec lequel il va jouer peu de temps, mais pendant ce court laps de temps, ils vont faire de très très grandes choses. Donc on a difficilement trouvé des titres. Ouais, je crois qu'on a choisi Mr. Crowley. Mr. Crowley. Il y a une anecdote très justement amusante, mais sur justement Mr. Crowley, où Randy Rhoads a essayé plein de solos et tout, et Ozzy n'était pas satisfait par les solos joués par Randy Rhoads, et il lui dit non, mais c'est de la merde, c'est pas ça. Et puis Randy Rhoads est à un moment dévasté, et puis je crois qu'en une seule prise, il sort ce solo magnifique. Et Ozzy est là, yes, you've got it, et puis ils l'ont gardé. Je crois que ça s'est passé un petit peu comme ça, ce solo justement sur Mr. Crowley. Ah, ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un solo phénoménal qui a été magnifiquement composé par Randy Rhoads. Et que Zakk Wylde a su s'approprier de manière magnifiquement bien. Il l'a encore une fois prouvé le 5 juillet dernier au Back to the Beginning. Ce sera enchaîné du deuxième album. Donc là, les tournées commencent à prendre un petit peu de l'ampleur et également fatiguer ce bon vieux Ozzy Osbourne qui accuse le coup, comme il le prouve dans les paroles de Flying High Again, qui est un petit peu sur sa vie de débauche. Dans le refrain, il dit... Mama is gonna worry, donc maman va s'inquiéter. Il faut dire qu'il appelait toujours sa femme maman. Et I've been a bad, bad boy, donc j'ai été un vilain, vilain garçon. Voilà, et donc, non pas extrait de l'album studio, mais on a décidé également de rendre hommage à ce excellent guitariste qui était Randy Rhoads, avec la version du Flying High Again qui est présent sur l'album Tribute, qui a été enregistré en 82 et 81 et sorti en 87. Voilà, encore une fois de l'excellente musique, avec cette fois Ozzy en solo, et ce Mr. Crawley. entitled Flying High, so keep on smoking them joints. Yes, Flying High Again, sur, bien entendu, cet album tribute au guitariste Randy Rhoads. J'adore tout simplement le solo de guitare qu'il fait sur ce morceau-là. On continue donc dans la carrière de Ozzy Osbourne. On dit que le temps passe très vite, il est maintenant 22h50 sur le 895 de Dio. Et ben, on n'en est qu'à l'année 1984, ou non, 1983. ce qui nous fait, ce qui veut dire qu'il nous reste quand même plus de 42 ans à traiter en 10 minutes. Voilà, et je crois que ça va pas être possible. On a décidé d'enlever un petit peu quelques titres de la part de solo d'Ozzy. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les métalleux, qu'est-ce qu'ils retiennent ? C'est surtout quand même Black Sabbath. Je pense qu'il y a un public qui est un public pour la carrière solo d'Ozzy. Ça fait pas de doute. Ah non, mais et surtout, je pense qu'il a acquis de nouveaux fans également tout au long de sa carrière, peut-être des personnes plus jeunes, puisque je pense que Sharon, etc., a toujours veillé à ce que il ne fasse pas vraiment papy du rock, mais qu'il soit un petit peu toujours dans les jeunes générations. Et ce qui prouve également qu'on l'a retrouvé ça, avec de la télé-réalité. On l'a retrouvé à faire plein de choses, des pubs pour des trucs qui n'ont rien à voir. Et là encore récemment, je crois qu'il avait fait une pub pour un soda ou l'année dernière ou un truc comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est resté, si tu veux, dans l'inconscient de la culture populaire au sens large du terme, plus que, on va dire, un fan des métalleux, même si c'est ce qu'on est nous. Ça, je pense que Ozzy est plutôt... Ozzy a permis, je pense, à un grand public de connaître le métal. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. En tout cas, on passe à 1983, donc après le triste décès du guitariste Randy Rhoads. On rappelle qu'il était décédé suite à un looping raté lors d'une sortie en avion, lors de la tournée justement Diary of a Madman. Le Madman justement décide de poursuivre sa carrière et de recruter au pied levé le guitariste Brad Gillis, qui fera un fantastique boulot et avec lequel il sortira l'album Speak of the Devil, sur lequel il reprend que les morceaux de Black Sabbath, parce que Black Sabbath sortait à l'époque un album live justement avec les parties d'Ozzy, que le clan Osbourne n'était pas vraiment favorable à ça. Ensuite, il retrouve un excellent guitariste qui sera Jake Kelly. Donc là, il a été entouré toute sa carrière par des excellents guitaristes. Ce sera un peu une marque de fabrique de savoir bien s'entourer. Bark at the Moon, là aussi un album assez américain, mais qui a différentes ambiances également. Et il fera un deuxième album, Ultimate Scene, qui le verra continuer dans un son assez américain. On a décidé de passer tout de suite le morceau titre, qui sera un peu un titre de heavy metal traditionnel des années 80, avec un riff speed, et on est loin du son un petit peu d'outre-tombe des vieux Black Sabbath de 70. C'est un titre qui était très souvent joué. Ah mais par contre, c'est un gros classique, bien entendu, de la carrière de Ozzy, ça s'en fait pas de doute. Yeah! On a décidé de squeezer maintenant quelques petits albums de la carrière de Ozzy Osbourne. Sinon, on va vraiment faire toute la nuit à passer de la musique, ce qui nous ne dérangerait pas en soi, mais ce qui ne sera pas tout simplement pas possible. Donc, l'album suivant est l'album No Rest for the Wicked, qui est un bon album sur lequel on retrouve le morceau Miracle Man, qui est un pur titre de heavy metal américain des années 80. Ce qu'il faut retenir de l'album, il s'agit de la première collaboration entre Zakk Wylde et Ozzy. Je pense que lorsqu'on pense à Ozzy, c'est difficile, Ozzy solo, hein, je parle bien, c'est difficile de ne pas imaginer Zakk Wylde à ses côtés, même s'il a eu d'autres guitaristes, bien entendu, qui étaient tous très bons. Mais pour moi, le guitariste d'Ozzy, c'est quand même, ça restera à toujours Zakk Wylde. Avec bien sûr Randy Rhoads, mais là, les circonstances ont été particulières. Ouais, mais c'est vrai qu'avec Zakk Wylde, on commence à avoir un son qui commence à se construire. C'est vrai qu'il y a une identité qui se met en place grâce à Zakk Wylde, bien entendu, puisque c'est un musicien qui a une grosse personnalité. Hein. Et voilà. Et notamment, alors que sur le deuxième album qu'ils feront en collaboration, qui est l'album No More Tears. À savoir qu'en 92, quand l'album sort, donc là il a vu le jour en 91, mais lors de la tournée de 92, Ozzy en a marre et il dit c'est fini, on fait le No More Tours. Et il avait annoncé à l'époque tout simplement la fin de sa carrière, hein, d'arrêter de prendre la route, redevenir rangé. Et voilà, donc 35 ans plus tard, il était toujours là. Oui, il a dit qui à 40 ans a encore envie de faire des tournées, hein, ouais. Ce qui correspond à quasiment ton âge et au mien, bien passé. Ouais. En tout cas, donc il y a des anecdotes super marrantes à raconter à cette époque-là. Donc No More Tours, et le No More Tours devait se terminer en apothéose parce que, bien entendu, la famille Osbourne avait bien prévu son coup, ça on l'a encore vu, et ils avaient prévu un concert-événement avec fin de la carrière d'Ozzy en 1992, et c'était du côté de Mesa, en Californie, aux États-Unis. Et que faire pour marquer le coup? Comme ils l'ont fait en 2025, simplement inviter le Black Sabbath d'origine à faire partie de cette grande fête et réunir pour l'occasion le line-up du Black Sabbath d'origine à jouer. La différence avec 2025, c'est que le Black Sabbath de 92 existait sans Ozzy, avec bien entendu Ronnie James Dio, avec qui ils avaient fait un excellent album à l'époque, qui était The Humanizer, et qu'ils essayaient de défendre, etc. Donc le management de Black Sabbath reçoit l'invitation du clan Osbourne, et bien entendu, qui était contre la participation à cette soirée, à ton avis? Alors, je pense que tu défends un petit peu les propos. Tu parles de Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, oui. Alors, Ronnie James Dio estimait que c'était à Black Sabbath de clôturer. Et il a tout simplement, il a eu ses paroles. Il a dit, je refuse de faire la première partie de ce clown. Et il claque la porte. Oui, mais derrière, c'était lui, il aurait voulu être en tête d'affiche parce qu'il estimait que Black Sabbath méritait la tête d'affiche. Mais en tout cas, si Black Sabbath avait fait la tête d'affiche, ça n'aurait pas été Black Sabbath avec lui. Ça, c'était la tournée d'adieu. Et d'ailleurs, c'était du coup Rob Halford qui avait remplacé. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le clan Iommi accepte la proposition du clan Osbourne, mais si on retrouve son chanteur. Si on trouve un chanteur. Donc là, ils savent pas trop quoi faire. Il y a le père Tony Martin en gros, c'est un petit peu comme Andy Snip dans Priest. Hein, c'est un petit peu le bouche-trou de service. C'est-à-dire que on est bien content quand il est là, et puis quand on en a plus besoin, merci, au revoir. Donc lui, ça l'a pas fait. En tout cas, il revient pour l'album suivant, Tony Martin. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par la carrière d'Ozzy et également par la carrière de Black Sabbath, jetez-vous sur YouTube sur le podcast qui s'appelle Children of the Sabbath. Je pense que c'est pas bien difficile à retenir. Children of the Sabbath. Et il y en a pour des heures de vidéos, des heures d'anecdotes. Et c'est vraiment à se poêler de rire parfois, de rire jaune parfois, mais c'est vraiment excellent. Ils prennent Halford qui est à l'époque, était entre deux eaux. Il n'était pas encore officiellement parti de Priest, mais il était un petit peu, c'était après la fin de la tournée Painkiller. Il n'avait pas annoncé au groupe qui partait définitivement. Alford n'est jamais parti de Priest, hein. Il l'a écrit dans sa biographie. Hein. Ah ouais, il a dit, ils ont dit, en fait, c'est eux qui ont dit, il n'est plus là. Ah ouais, ça je ne savais pas. Je pensais qu'il avait annoncé son départ. Moi. Et Alford, apparemment trop timide pour dire « Eh les gars, en fait, je suis toujours là. Enfin, » Ils n'avaient pas accepté qu'il fasse fight, à ton non, avis ? Non, c'est même pas ça. C'est qu'il a voulu faire une carrière solo, mais sans forcément dire... En fait, il voulait mettre un petit peu plus en stand-by, mais il ne voulait pas forcément quitter le groupe. Enfin bon, c'est... Après, difficile c'est à savoir... Voilà, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé... Avec Ken Downing. Oui, voilà. Mm-hmm. Si, on sait un petit peu, ils n'ont pas... Pour Ken Downing, ils n'ont pas apprécié qu'ils reprochent à Glenn Tipton de moins bien jouer. Ouais. Est-ce qu'il savait qu'il était malade à l'époque ? Pas encore, en fait. Pas encore. Et voilà. Je pensais qu'il trouvait Alford un peu en dessous, des fois. Il y avait de ça. Parce que c'était à l'époque où il y avait la tournée Epitaph qui se profilait. Hein. C'est au moment où ils ont annoncé à Epitaph qu'il a annoncé qu'il ne la faisait pas et qu'il partait. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je pense que le groupe, là, était un petit peu dans une mauvaise passe. Là. On ne va pas redétailler l'histoire de Priest, parce que sinon, on est reparti oui, pour 50 ans de métal. L'histoire de Priest et de Black Sabbath, on est trop molli, on en a parlé tout à l'heure. C'est hein. vrai. Le groupe était, Judas Priest était dégoûté de ne pas être convié à cette cérémonie. Et d'ailleurs, quel était le seul membre de Priest présent ? Ken Downing. Ken Downing, qui a joué, qui a fait une belle partie sur un super note. Ouais. Et je pense que c'était, d'une certaine façon, un petit peu sa revanche sur ses anciens compères. Ouais, mais c'est vrai qu'ils avaient parlé peut-être de louer un jet privé. Ils étaient à la soirée de Scorpion, et c'est vrai que c'était... Voilà, et puis n'oublions pas qu'à chaque concert, Judas Priest passe le morceau War Pigs en introduction. Morceau War Pigs, et ils ont... Ils ont repris le titre War Pigs. Une vidéo sur YouTube où ils reprennent War Pigs. Oui, et qui a été d'ailleurs... partagé par Black Sabbath. Oh, certainement. Officiellement, je crois que Black Sabbath a diffusé justement sur leur fil. Je crois que sur leur chaîne YouTube, ils ont le morceau. Ils ont le morceau sur leur chaîne YouTube, ouais. Donc ils prennent Alford et ils répètent pendant 2-3 jours. Qui reprend uniquement les titres de Dio, par contre. Qui reprend les titres de Dio, donc ils font Children of the Sea, ce genre de choses. Ils ne font pas du Paranoid de ce genre de choses ils... Non, il reprend, je crois, que la période. Ah, ça, je ne m'en souviens plus. Mais il n'existe pas de qualité. Il y a quelques images qui existent. Il y a un enregistrement pirate. Ouais, mais qui a un son dégueulasse. Et par contre, il me semble que aussi Alford avait joué avec. Black Sabbath dans les années 2000, au début des années 2000, parce que Ozzy n'était pas en voix, et par contre, Alford avait rejoué avec Black Sabbath, mais en faisant les titres d'Ozzy, je crois. Ah, ça, je ne me souviens pas. Je t'avouerais que ça, c'est passé à la trappe. On essaiera d'en trouver la date. Mais en tout cas, écoutez Children of the Sabbath, ils en savent mieux que nous, en tout cas. Donc, on revient à l'année 91-92. Il nous sort ce super album, No More Tears. On a vraiment une identité qui se met en place. C'est du gros, c'est du blockbuster hein, de musique, hein, tout simplement. Et Zakk Wylde, américain qu'il est, adore le rock sudiste. Et il le prouve ici sur ce Mama, I'm Coming Home, sur lesquels il y a des influences un petit peu country, 12 cordes, etc. Ce que Ozzy n'appréciait pas trop à l'époque, parce qu'il disait que ça marchait pas trop avec son style. Mais en fait, vu le succès de ce morceau, il a vite changé ici d'avis. Et on a un excellent morceau dont les paroles ont été écrites par Lemmy Kilmister qui co-signe ou signe tout simplement les paroles de 4 titres. Donc Ozzy avait dit que il avait la mélodie, ils avaient les différentes parties instrumentales, musicales. Ozzy avait la mélodie, mais bon, il n'était pas parolier, il l'a jamais été. Il a toujours demandé à des gens de son entourage de le faire pour lui. Et il y avait Lemmy dans le coin et... Lemmy a donc écouté la mélodie d'Ozzy, il est descendu boire un coup au Rainbow Bar and Grill qu'il fréquentait sans arrêt, et 2-3 heures plus tard, il est revenu avec ces paroles-là. Lemmy descend boire un coup ? Oui. C'est surprenant. En tout cas, on va enchaîner ça avec les années 90 pour Ozzy, avec l'album Osmosis, paru en 80, 95. times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. Could be wrong, it hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone, I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. 'Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming home. I just want you.

Yes, on a enchaîné plusieurs années et on a traversé là les siècles, puisqu'on est passé de 92 jusqu'en 95 avec l'album Osmosis et ce I Just Want You que vous aviez entendu. Et avant de continuer de faire le grand écart jusqu'en 2007 et l'album Black Rain, sur lequel on voyait toujours bien entendu Zach Wilde à la guitare et ce I Don't Wanna Stop. Donc le Ozzy des années 2000, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une superstar de la pop culture, pas simplement un chanteur de heavy metal, hein, puisqu'il a participé à ce show télévisé The Osbournes, que j'ai jamais vraiment regardé, que j'ai un peu... C'était The Osbournes Family. The Osbournes Family, donc pour ceux qui ne savent pas, c'était avant les Kardashians et compagnie. De la télé-réalité, avec une, bien entendu, caméra qui filme la famille dans son intimité et son quotidien. T'as jamais vu d'extrait ? Si, oui, puisque voilà, maintenant, si tu te connectes sur Internet, tu vois des extraits de The Osbournes depuis, bien sûr, le décès de... Décès d'Ozzy, et malheureusement, c'est pas vraiment la façon dont j'ai envie de me souvenir de lui. Non, parce qu'on voit une famille complètement déjantée. Ouais, après, est-ce que c'était pas un peu orchestré Bien sûr. Bah, je pense qu'il fallait ce soit comme. Qu'il y ait quelque chose à regarder d'intéressant, si c'est pour voir notre famille ou autre. En train de préparer le repas, d'aller partir travailler. Ouais, super, quoi, c'est intéressant. Alors que Ozzy Osbourne avec sa fille Kelly qui pète un câble et tout. Il y avait par contre la série avec son fils qui était passée sur Arte, justement. Je crois que c'est là, c'est Ozzy Osbourne. Ah, ça, je connais pas. Et justement, il faisait un road trip avec son fils et puis découvrait des choses. C'était un peu plus... Ouais, plus dans les découvertes. Et à chaque fois, il y avait un duel entre le fils et le père. Ah ouais ? Le père qui dit « Ah, mais moi, je suis fini, j'arrive à rien. » Puis à chaque fois, c'est lui qui s'en sortait toujours et tout. À faire la meilleure performance, je me rappelle, il faisait du tir avec son fils. Voilà, des partagements. Et je crois que c'est à ce moment-là où, en fait, Ozzy décide de faire ça quand il apprend que son fils tombe malade. Ah oui ? Ouais, je sais plus quelle maladie là, mais il a une maladie incurable. Hein. Ah bon ? Oui. D'accord. Donc, c'est-à-dire, il s'appelle John ? Je crois que c'est très ça. Très bonne question, on va se renseigner. On se renseignera. Oh, on ne connaît pas assez les people. Voilà, en tout cas, superstar. Donc, sa femme l'a définitivement remodelé un petit peu comme elle le souhaitait. Elle en a fait une méga star de la pop culture. Et puis c'est tout à son honneur, puisque le Ozzy de 78-79 qui s'était fait virer de Black Sabbath à l'époque, il aurait pu en rester là et terminer un petit peu comme un Diano en jouant les titres qu'il avait fait connaître dans la cave du Thunderbird. Mais en tout cas, c'est... N'empêche que voir Ozzy au Thunderbird, ça aurait été mythique. Ça aurait été marrant. Je pense qu'il aurait fini le bar, mais. Non, je sais pas si Ozzy aurait fini vivant sans Sharon Osbourne. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, elle l'a bien remodelé. Elle en a fait une superstar. Elle a organisé plein de choses. Voilà, la House Fest, on pourrait en parler hors antenne, mais ce festival itinérant qui a permis de mettre en avant de nombreux groupes, hein, les Fear Factory, ils étaient dessus, Machine Head, Korn, c'était l'époque du néo-metal américain, et malgré tout, malgré les décennies, eh ben, le père Ozzy atteint de plus en plus un statut de parrain, un statut de fondateur de la scène, et Black Sabbath a un statut mythique, même si le groupe n'était plus actif réellement dans ces eaux-là. Oui, il faisait quand même... Il était légendaire, il était considéré comme la base du heavy metal. Voilà, et plus que dans les années 80, parce que dans les années 80, il y avait un côté un petit peu ringard autour de Black Sabbath. Quand on regarde, déjà, Black Sabbath était encore existant, mais avait quand même des difficultés à stabiliser son line-up, et enchaîner des bons albums avec, par exemple, Tony Martin, mais qui n'ont pas eu l'impact, si tu veux, que de ceux de qui n'ont pas le statut à l'heure actuelle de ceux avec Ozzy Osbourne, ça fait pas de doute. Ouais, mais les groupes des années 70, hein, tu parles de Black Sabbath, on peut parler de Deep Purple. Deep Purple, aussi. C'est la même chose, puisqu'ils ont eu un gros creux de la vague, oui, avant de revenir. Led Zeppelin qui n'existait plus. Ouais, alors Led Zeppelin, ils ont essayé de refaire des événements, mais ils n'ont jamais réellement existé à nouveau. ACDC, pareil, gros creux de la vague. Hein, durant les ouais, mais même si. On a Back in Black et Forces About Shura, et ensuite le groupe devient has-been. Hein. Un petit peu, mais il reste. Malgré tout, il reste. Il n'y a pas de changement de line-up comme dans. Ouais, mais par comme contre. Comme dans Deep Purple ou Sabbath. Le groupe ACDC devient contesté dans les années 80. Et en fait, il y a une passation de pouvoir avec la NWBHM, des groupes comme Metallica. Le trash qui apparaît, qui les remet un petit peu au second plan, en fait. Hein, parce qu'il y a la nouvelle garde qui allait dans l'ongle et qui est là pour prendre un peu le trône, tout simplement. Et qui fait de bonnes choses. Et qui fait de bonnes choses, exactement. En tout cas, Ozzy atteint ce statut dans les années 2000. Donc là, ça a été savamment orchestré par le management, à mon sens. On voit également sur des publicités de plein de trucs, pas la télé en France, mais plutôt aux États-Unis, même pour World of Warcraft, par exemple. Oui, c'est vrai, World of Warcraft, la pub passée en France, avec Ozzy Osbourne. Et bon, on n'aurait jamais imaginé Tony Iommi ou Geezer Butler faire ça, en fait. Là, il fallait que ce soit la personnalité d'Ozzy. L'image de Tony Iommi, même si ça reste les piliers de Black Sabbath, sont beaucoup moins mis en avant. Bien sûr, et puis voilà, on a l'aspect méga star, un petit peu comme pourrait l'être Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga. Donc ce sont des personnes qui dépassent simplement le cadre du musicien, en fait. C'est des grosses personnalités, des méga stars, tout simplement. Et voilà, néanmoins, après le décès de Dio, on a le retour du Black Sabbath, non pas originel, puisqu'on n'a quand même pas le batteur Bill Ward, mais on a en tout cas trois quarts, avec Geezer Butler, Tony Iommi et Ozzy Osbourne. Et là, ils nous pondent quand même l'album 13. On peut dire quand même que c'est un retour gagnant. Ah, mais je l'ai trouvé excellent, il était très critiqué cet album, ouais. Je le trouve extrêmement bien produit, je trouve que la qualité des compos est ouais. Et puis on a quand même l'ambiance, on a l'âme du groupe en fait, hein, qui est toujours respectée, avec une sonorité plus moderne, ça c'est normal, et ça reste une belle fin de carrière. Oui, et qui a fait derrière une tournée géniale, hein, puisque je les ai vus deux fois durant cette tournée, donc une fois à Bercy. Donc en 2013, et le lendemain du concert, on rentrait en train en TGV sur Saint-Etienne, et puis la setlist, le running order du Hellfest était dévoilé. Et notamment, on apprenait que Black Sabbath allait rejouer en 2014. Ah ouais? Voilà, donc on venait de voir Black Sabbath, on se dit. Ah ouais, on va revoir Black Sabbath, ça va être bon ça, parce qu'on avait déjà nos billets du Hellfest. C'était encore une époque où les billets étaient abordables, on pouvait les acheter encore sans se ruer dessus. Ouais, moins cher également. Ouais, et puis on avait tout le temps pour les acheter. Hein. Mais nous, on avait parti de ceux qui les avaient pris par anticipation, et on n'avait pas été déçus par l'annonce. En tout cas, c'était un bon concert là, également au Hellfest. Oui, mais j'ai un souvenir merveilleux de Bercy. Un son top du top, on était super bien placés. Le Hellfest, le concert, je pense que Ozzy avait été meilleur au Hellfest, mais le son avait été un peu moins bon. Ah ouais, bah après c'est conditions festival. Oui, mais après sinon le groupe, voilà, c'est vrai que moi c'est une période où j'ai vu beaucoup Ozzy, puisque Ozzy j'ai dû le voir en 2012 en solo. Je l'ai revu en 2013, où il devait être avec Black Sabbath et puis Tony Iommi qui tombe malade d'un cancer. Donc finalement, tournée annulée. J'ai vu donc là, c'était Ozzy with Friends. Et puis j'enchaîne en 2013 où je revois Black Sabbath. 2014, Black Sabbath. Donc j'ai vu quatre fois Ozzy en quatre ans. Et puis la tournée The End ensuite. The End, ouais, en 2017, je crois. Mm. Donc pareil au Hellfest. Et qui était un show mémorable, hein, un Ozzy qui fait la grenouille sur scène. Quand on imagine Ozzy, même dans les années 80, qui marche un petit peu comme un vieux papy, en traînant des pieds, et puis on le voyait faire la grenouille, et en train de balancer des coucou au public. Voilà, c'était, ça changeait de « Let me see your hand » et « I can't fucking hear you ». Mais ouais, ça reste quand même... je me dis, j'ai la chance de le voir... en solo avec Black Sabbath et voilà, du coup je pense que j'ai vu son dernier concert en France. Certainement. Et ça reste, voilà, je me dis. Et c'était Hellfest, non pas Bercy celui-là. C'était Hellfest, ouais. Ouais. Il n'est pas repassé depuis en salle. Alors je me demande s'ils n'avaient pas refait un concert à Saint-Brice-en-Gouvray ou guitare en scène, un truc comme ça. Mais c'est peu probable. Je ne sais plus pourquoi. Je me demande s'il n'y avait pas eu un autre concert de Black Sabbath, peut-être deux jours après le Hellfest, festival. Guitare en scène, c'est aux alentours du 14 juillet. Ouais, mais j'en suis pas certain là. Donc, on en est là. Ensuite, Ozzy quand même reprend la tournée des, enfin plutôt les chemins des studios et enregistre deux albums quasiment coup sur coup, parus en 2020 et 2022. Donc, le premier étant Ordinary Man et le deuxième Patient Number 9, des albums qui ont été quand même plutôt bien reçus, bien accueillis et même si la voix de Ozzy est un petit peu, on va dire, trafiqué par les artifices des studios pour l'enjoliver un petit peu et la rendre, on va dire, présentable. Ça reste malgré tout de bons albums sur lesquels on a des invités, notamment Jeff Beck à la guitare, Elton John pour un duo avec Ozzy qui est assez sympa. Alors c'est pas des albums que je connais très bien, donc on a décidé de pas vous mentir et de pas les passer ce soir. Mais c'est vrai que c'est quand même à ce moment-là que Ozzy choisit de faire sa tournée d'adieu. Hein. Et de faire ça. Il veut vraiment la faire, sa tournée d'adieu, et puis il n'a jamais réussi. Oui, parce qu'il a été pris également par le Covid, cette période. Oui. Ouais, donc, il a vraiment enchaîné les maladies, et puis ensuite Parkinson. Et oui, le Covid empêche toutes les dates, parce qu'il y avait une tournée de Priest Ozzy. Oui, c'est vrai, qui n'a jamais eu lieu. Et moi, j'ai des copains qui avaient leur place, qui ont été très déçus parce qu'ils devaient. Priest faisait la tournée des 50 ans, à cette période, et Ozzy faisait la tournée d'adieu. Et donc, malheureusement, cette tournée a été tout simplement annulée à cause du Covid, parce qu'elle devait avoir lieu en 2020, repoussée en 2021, et puis tout simplement annulée ensuite. Et voilà, et puis on apprend que Ozzy a Parkinson et que son état de santé est de plus en plus, on va dire, délicat. Ouais, parce que je crois qu'il a dû faire une chute aussi également. Et il avait plus la possibilité de prendre l'avion. Il avait, ouais, il parle de, on va dire, d'un. Ils ont parlé d'un accident de quad qu'il avait eu dans son domaine et également ensuite d'une opération de la colonne vertébrale qui aurait été, qui se serait mal déroulée et qui l'aurait laissé plus paralysé qu'il ne l'était auparavant. Et voilà, difficulté pour marcher ensuite. Un état de santé qui est de plus en plus critique. Et l'année dernière, où c'était quand, à l'automne, je ne sais plus quand est-ce que ça a été annoncé, l'annonce, on s'y attendait pas vraiment, l'annonce du concert Back to the Beginning. Ah oui, mais bien 6 mois avant la date. Hein. C'était à l'automne de 2024. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je ne sais plus. À mon sens, c'était dans ces eaux-là. Ou alors début d'année, aux alentours de janvier. Ouais, mais peut-être quelque chose comme ça. C'est vrai que. Donc, je pense que tout le monde reprend ça de manière un petit peu incrédule. On voit les prix des tickets, on tique un petit peu. On se dit, est-ce que c'est un gros coup de com', ça va être un pétard dans l'eau et ben, au final. Personne ne sait finalement ce qui va se passer. Hein, on ne sait pas, est-ce que Ozzy fera un concert entier. Oui, parce que ça, on ne savait pas. On c'était là aussi Ozzy and Friends, en gros, participation de Black Sabbath. Mais est-ce qu'ils vont juste monter sur scène pour faire coucou? Ouais, où est-ce qu'ils vont jouer? Alors, c'est vrai que je pense que l'objectif, c'était vraiment de jouer, mais on a eu su, je crois, peut-être à peine quelques semaines avant, voire peut-être quelques jours avant le concert, que Ozzy ne jouerait peut-être qu'une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais. Et qu'il chanterait assis. C'est ça. Ah, ça, on le savait parce qu'il avait déjà été assis. On l'avait toujours vu assis. Ces dernières années, notamment pour l'intronisation du Rock and Roll Hall of Fame, parce que ça, il